Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. Et aujourd'hui, c'est un peu des petites Madeleines de Proust, un groupe que tout le monde a oublié, qui va nous servir donc de fil rouge. Pour rappel, donc c'était les années 90, le tout début. Un groupe américain qui s'appelait Concrete Blonde, donc la blonde en béton, qui avait sorti un album assez inégal, mais avec un titre fabuleux qui s'appelait Still in Hollywood. Pour être franc, j'avais complètement oublié ce groupe pendant des années, jusqu'à ce que le hasard me fasse retomber sur une vieille cassette qu'un ami m'avait enregistrée à l'époque. Et le miracle d'Internet fait que, bien évidemment, tout ce qu'on peut retrouver maintenant de manière ancienne se trouve très facilement sur YouTube et sur tous les autres supports musicaux. Donc, on va parler de Concrete Blonde, surtout écouter Concrete Blonde ce soir, avec des groupes qui restent un peu dans cette même lignée. Alors, le Still in Hollywood, le morceau dont je vous parlais, qu'on écoutera un peu plus tard dans la soirée, était assez catchy, alors que le reste est plutôt cool, un peu dans du genre de Marissa Nadler, Cat Power, qu'on va écouter un peu après. Donc, une Selecta semi, on va dire, semi-rock, semi-folk, plutôt américaine, avec plein de choses. Donc, comme d'habitude, si vous avez besoin des titres, c'est sur la page de la radio ou Shazam pour ceux qui ont la flemme d'aller regarder. Allez, c'est parti! Thinking of you, under the Mexican moonlight. Thinking of you. Power. dreams, yes. But what about our broken hearts? What about our humble? What about all of our humble? What are we gonna do? Is it breaking down? What are we really doing? Is it breaking down? What about all of our power? What about all of our power? Power is all. I hope you figure that one out. À partir d'avril 2016, 830 000 écoliers philippins ont reçu entre une et trois doses de Dengvaxia dans le cadre d'une campagne de vaccination. Les suivis de pharmacovigilance font état de plusieurs dizaines de cas de dengue sévère parmi les écoliers vaccinés et d'une vingtaine de morts. Cinq décès ont d'ores et déjà été jugés probablement liés à cette vaccination par les autorités philippines et d'autres autopsies sont en cours. La FDA philippine a suspendu l'autorisation commerciale du vaccin. Le pays demande désormais à Sanofi de rembourser l'intégralité du coût, soit environ 60 millions d'euros, du programme de vaccination. Rain. the heel of the father, crush the head of the serpent for you. And the beast that found his way up to your room, you know the one whose colors are never true. Together. Les vaccins comme le Dengvaxia sont appelés dans le jargon populaire des leak vaccines et par leurs promoteurs des vaccins partiellement efficaces. Ce sont des vaccins de première ou seconde génération, il leur faut plusieurs doses de rappel, 3 à 4, du fait de la faible protection qu'ils confèrent. Leurs promoteurs prennent bien soin de préciser que d'autres mesures de prévention sont nécessaires en plus du vaccin. Néanmoins, le Dengvaxia a obtenu l'autorisation de mise sur le marché des agences de régulation nationales des pays d'Asie et d'Amérique du Sud tels que le Brésil, les Philippines et le Mexique. L'affaire Dengvaxia est représentative des limites des vaccins à béquille, entre guillemets, que des groupes aux intérêts divers risquent d'exploiter pour jeter l'opprobre sur la vaccinologie en général. Wonder why. nothing round here to me that's sacred except you, yeah, you. Nothing round here to me that matters except you, yeah, you. You're the one that reaches me, you're the one that I admire. Every time we meet together, I feel like I'm on fire. Nothing matters to me, and there's nothing I desire save you, yeah, you. Nothing round here I care to try for save you, yeah, you. Got nothing here to live or die for except you, yeah, yeah. As a kid I'd hear it, yes, in church all the time. Make me feel so good inside, so peaceful, so sublime. Now nothing does remind me of that old familiar chime. Except you, yeah, you. Never seemed strange. Now I just pass mournfully by that place where the bones of life are piled. I know something has changed. I'm a stranger here, and no one sees me. Say you, yeah, you. Nothing anymore seems to please me. Say you. Hypnotizes me, holds me in its spell. Everything runs by me just like water from a well. Everybody wants my attention, everybody's got something to say. Say you, yeah, you. Il est connu qu'à la suite d'une primo-infection due à la dengue, le patient est immunisé contre la souche infectante, mais qu'en cas de réinfection par une autre souche, il a davantage de risques de développer une dengue sévère. Des taux plus élevés de réplication virale avaient déjà été observés chez des patients ayant eu un premier contact avec le virus de la dengue et chez des nouveau-nés dont la mère est positive, ce qui signifie un risque accru d'infection. C'est ce qu'on appelle, dans le vocabulaire médical, l'Antibody Dependent Enhancement, ADE, qui est la facilitation de l'infection par les anticorps. Le virus de la dengue rend les anticorps antagonistes pour augmenter sa virulence, phénomène qui tord le cou à un dogme en immunologie selon lequel le système immunitaire sert à nous protéger contre les pathogènes. Running hand in hand. searching for. When it comes, we question love and try for more. And we're happy here, but we live in fear. We've seen a lot of temples crumble. Some are flesh and blood, and love is under glass. Will we come undone? Learn to let go. come, there are seeds to let grow. There's truth in the details of the knowledge you know. There are things in the past that you learn to let go. It's a crooked old world, it's a crooked old world. Go smoke, you smoke, we'll find you a girl. For the ship that we built is about to set sail. Give them hell, let the northern winds wail. Give them hell, let the northern winds wail. Give them hell, let the northern winds wail. Let them wail. Let them question de savoir si le Dengvaxia qui cible les quatre souches de dengue n'induirait pas ce même phénomène chez les sujets qui n'ont jamais souffert de la pathologie a été soulevée. Le vaccin agirait-il comme une première infection silencieuse qui permettrait à des récepteurs de reconnaître le virus et de faciliter sa réplication chez des cellules immunes cibles ? Autrement dit, les séronégatifs qui ont été vaccinés sans avoir jamais eu la pathologie ont-ils plus de chances de développer une forme de dengue plus grave ? Cette question a suscité une controverse dans plusieurs revues scientifiques, dont le Lancet Infectious Disease. curtain is the curtain in the white light of the morning. Dancing, dancing in the morning. In the morning. Are you there? Are you there? And the shadow like a sadness falling all across the garden. Dancing, dancing in the garden. In the garden. Are you there? Are you there? Shine on, friend. Good. Blue spaces. 星になる前に逃げ出そう。世界の海の上で冴えない歌を歌う。明日の国まで踊るバイキング USA。 Entre 2016 et 2017, plusieurs articles de deux groupes de modélisateurs appartenant aux universités de Lisbonne et du Brésil d'une part, et à l'Imperial College de Londres, l'école de santé publique de Johns Hopkins et l'université de Floride d'autre part, ont alerté sur les risques qu'entraînerait une vaccination contre la dengue chez des populations naïves. Plusieurs de leurs analyses contestant les résultats de Sanofi ont établi que le dengvaxia est susceptible d'augmenter les taux d'hospitalisation pour dengue sévère chez les séronégatifs, quel que soit leur âge. Les auteurs recommandent ainsi aux promoteurs du vaccin de pratiquer des tests de diagnostic afin d'établir les antécédents des individus avant administration du produit et insistent sur le fait que l'OMS ne devait pas recommander le vaccin sur la seule base des résultats de la campagne pharmaceutique. Les chercheurs de l'entreprise avaient interprété les mauvais résultats du vaccin pour les enfants comme une réponse immunitaire liée à l'immaturité de l'organisme des patients. Ils avaient donc recommandé l'administration du dengvaxia à partir de 9 ans. Le WHO Position Paper, qui émet la position et les avis de l'OMS sur un produit vaccinal, a reconnu la possibilité que le vaccin contre la dengue augmente l'ADE et déconseille le vaccin aux voyageurs tout en le recommandant dans les pays endémiques et pour des personnes séropositives. And a long stem rules. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. that's how it goes. Everybody my prayers and I pray. die for a kiss from the deepest of hearts, from the sweetest of lips, like a long soaked after a hard trip. Water over the side, you could slide, you could slip. Sûrement, mais peut-être aussi un nouveau la possibilité d'un nouveau départ et de mettre à plat tout ce qui ne marche plus dans cette Europe qui est rejetée de partout et dont les élites, dont ceux qui la dirigent ne voient pas les conséquences au niveau des populations. Forever in a tree, I swear. culminating in another year that you spend curled up in a ball, proclaiming, oh my God, I hate it here. But God already knows you hate it here. And you were sad before you got here, and you'll be sad when you move on. You'll be sad that they don't miss you when you're gone. But there's no shame in wanting a place where everything feels good. Who wouldn't want to live there if they could? 2008, an era of pointless boys and putrid seafoam V-necks. I wanted to hate, but I was much the same. Spiritually broke, my bridge card revoked. When I got a job working in the basement of America, they had to take my picture there to see if I could get high before I got en reliant les différents types de secrets, secrets des affaires, secrets industriels, secrets d'État, à l'hermétisme des outils algorithmiques, Pasquale veut montrer que la complexité des algorithmes constitue le versant technique d'une opacité plus globale. Dans ce contexte, l'opposition entre pouvoir public et société privée n'a plus cours. Au nom de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement et les autorités administratives des États-Unis font cause commune avec ceux qui détiennent les bases de données qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes constituer. Les mêmes outils servent à classer et à hiérarchiser les citoyens ou les entreprises concurrentes. Selon Pasquale, cette connivence serait payée au prix fort. Par une dégradation des garanties accordées aux citoyens et aux petits acteurs économiques en matière d'atteinte à la vie privée, et par la perte progressive de pouvoir et de légitimité des autorités publiques. Il appelle donc à sortir de ce dédale en répartissant plus équitablement les droits et devoirs liés à l'information et au secret et en restaurant les autorités publiques dans un rôle de défense de l'intérêt général, incluant des prises d'intérêt dans les secteurs économiques cruciaux. Pour le lecteur européen, sa critique et ses propositions sont éclairantes à un double titre. Elles montrent les différences qui perdurent d'un continent à l'autre, mais elles indiquent aussi les questions qui nous rassemblent. Pas encore revenu du pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. On peut toujours saluer le petit roi du pacotille. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille sûr que tu pourrais devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des hommes oliviers palpitent les origines, infiniment se voir rouler dans la farine. À l'envers, à l'endroit, à l'endroit. Thank you.

gonfler mon âme. Le labyrinthe a été construit au moyen de deux outils, les big data et les algorithmes. Sur Internet et par les objets connectés, chacun distille, de manière plus ou moins consciente, des informations sur sa vie, ses goûts, son comportement. Au-delà de ce que nous souhaitons faire savoir et sans que nous en soyons toujours informés, des données personnelles sont constamment collectées, archivées, traitées et cédées. Ces informations peuvent être compilées et croisées avec d'autres sources, issus de bases de données privées ou publiques, et le phénomène s'étend avec la numérisation croissante des activités sociales. Ce flux massif de données fait l'objet d'un traitement automatisé par le biais d'algorithmes variés, pour la saisie des données, le calcul du résultat, leur affichage, la communication avec d'autres logiciels. Parmi ceux-ci, les algorithmes de classement, de suggestion et de décision produisent les effets les plus problématiques, car leurs résultats ont une incidence directe sur les décisions et les vies humaines. Une offre d'emploi ou de service peut ainsi être rendue invisible par un moteur de recherche, intégrant un critère dissimulé. Une demande de prêt pourrait être refusée si le calcul de risque inclut des données relatives à la fréquentation du système de santé ou aux statistiques de délinquance dans le quartier du lieu de résidence. Les big data ne peuvent être exploités sans les algorithmes et ces derniers ne peuvent fonctionner sans être nourris de données. Told. grain. Will we stop when the time is right? Will you just be my hologram? What a shame. Something should never start. With someone else with lack of pride. But I'll be a light for you, and I'll have some secrets too. I'll be a light for you, and I'll have some secrets too. Up under ambient lights. Can't you just be my hologram? What a shame. Something should never start. But someone else's lack of pride. But I'll be a light for you, and I'll have some secrets too. I'll be a light for you, some secrets too. I'll be a light for you, and I'll have some secrets too. I'll be a light for you, and I'll have some secrets too. Thank you. Suivez la mèche qui se consume, suivez-la des yeux et profitez à l'arrivée du grand badaboom. La transmission chante. Aujourd'hui, on peut l'entendre grâce à des machines californiennes. C'est toujours mieux quand elles sont californiennes, les machines. La transmission chante et le son est transmetteur, repère, révélateur. Suivez l'onde, trouvez le bonhomme. La culture a ses machines, les machines ont leur culture. Thank you. bitterness and sour I hold and find sweet and happy music in my soul. And I don't need a hero and I don't need a soldier. I did when I was younger, but now I'm so much older. I don't need a father, I don't wanna be your mother. It's just that any one of us is half without another one. Here's to you. Here's to you. I was deep in my cloud. I was the best extra. I can't stand up with it or sit down without searching for humanity in the people of fictional adventure or comedy. But I'm just the best extra. Street clothes in a tent. just like a curse, you see. This bummed out feeling that she's over me. She's over me. I put my jacket over my head. I'm trying not to stare at her chest. I can't even dance in the dark, 'cause my headphones are still on the seat of her car. Un homme, gendarme de son état, est en week-end à Paris. Il rentre à son hôtel après une chaude journée de balade. Dans la rame du RER, entre Gare du Nord et Châtelet, il est intrigué par les manigances de deux hommes, visiblement très agités, qui s'envoient des signaux et ne cessent de regarder leur montre.